Eh bien, moi, je propose qu'on écoute un petit titre à toi, Mélanie, et puis après, on va se retrouver tous ensemble pour continuer un petit peu votre actualité musicale. Fais-toi plaisir, je suis un jukebox ambulant. Puisqu'il nous écoute, et je lui passe un petit coucou à Malek Azamoun qui a composé et écrit en partie la chanson Le Miroir. J'aimerais qu'on l'écoute puisque c'est le titre phare de cet album. D'accord. Et celui qui va passer le plus en radio. Eh bien, il va commencer dès aujourd'hui. C'est avec celui-ci que je fais la promo de l'album. D'accord. Et Le Miroir, c'est quoi ? Le Miroir, c'est une chanson qui a été écrite, je pense, dans un moment de mélancolie. Oui. Comme toujours, par rapport au regard qu'on pose sur soi-même devant le miroir. Justement, les interrogations que l'on peut avoir sur la personne que l'on aime. D'accord. Se dire, voilà, si je suis comme ça, est-ce que tu resteras avec moi ? Est-ce que tu m'aideras ? Est-ce que tu me soutiendras toujours ? Et il y a du boulot à la maison. Oui, j'ai du boulot. On en reparlera aussi. Ça va très bien, je me soigne. Ça va mieux. Allez, Mélanie Lys, 96.2, Radio Arc-en-Ciel. On peut nous retrouver sur radio-arc-en-ciel.fr, notre site. Et j'en profite pour faire un coucou à Jean-Pierre qui nous écoute et aussi à Florent, notre amigo. Et que la ville s'est endormie, elles me reviennent comme tous les soirs, mes peurs, mes erreurs, mes envies. Elles me rappellent tous ces cauchemars que j'aimerais chasser de ma vie. Toutes les choses que dans la journée j'oublie. On a tous caché quelque part un grand secret qui nous poursuit. Une ombre éclairée par des phares qui s'amuse à hanter nos nuits. Les images fusent jusqu'à très tard. Je veux juste dormir, j'ai pas envie de faire de ma vie une grande insomnie. Si tu restes, ne ferme pas les yeux. Aide-moi, je ferai. Alors Mélanie, Ça fait quelque chose de s'entendre pour une fois à la radio? C'est pas comme si j'y étais habituée. Non, mais c'est toujours, cette chanson-là, c'est toujours un plaisir de la réécouter. Tu vois, d'habitude, dans tous les albums que j'ai fait jusque-là, oui, j'aimais pas entendre ma voix. Et dans celui-ci, je sais pas pourquoi, j'aime bien les écouter. Nous, pas pour dire que j'ai une belle voix, mais j'aime bien les écouter. Je sais pas pourquoi. Non, mais et puis celle-ci, quand Malek me l'a proposée, oui, j'ai même pas hésité une seule seconde. J'ai dit, je la veux, je la prends. Elle reste en tête, je l'avais là, le refrain était là. J'ai dit, je la veux, je la prends. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Mélanie, c'est vrai qu'on crée aussi dans la mélancolie, c'est valable pour vous aussi? Alors moi, bizarrement, j'écris dans les deux, sans problème. Parce que quand je suis heureuse, j'ai aussi les mots qui viennent facilement. Donc ça dépend, oui, enfin, c'est plus facile d'écrire de belles chansons dans la mélancolie. Quand on souffre, quand on est dans la douleur, parce que forcément, bah, c'est quelque chose qui est plus profond que quand on est heureux, c'est plus sensible, plus légère, ça, donc plus c'est légère, plus léger, voilà. Mais ça peut se compléter dans un album. Ça se complète, ça se complète. Bon, là, quand on le découvrira tout à l'heure, dans mon album, il y a beaucoup plus de chansons positives, même des chansons qui parlent d'un sujet à la base négatif et que j'ai transformé en positif parce que moi, je suis quelqu'un de très optimiste, de très positive. C'est-à-dire que même quand je suis au fond du trou, j'arrive à prendre mon élan et à remonter. Et même quand tu es devant ta poubelle aussi. Et même quand je suis devant ma poubelle aussi. T'appuies sur la pédale, allez. Alors, est-ce que t'as réussi à caler cette chanson qu'on écoute? Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Je suis souvent si imparfaite, mais aussi tellement fière de l'être, que même les flèches des imbéciles font moucher, atteignent ma cible. Je vis ma folie passionnément, comme si j'étais à court de temps, peur que mes rêves dans un coup de vent soient balayés de mon vivant. Je n'attends plus rien de personne, je prends volontiers ce qu'on me donne. J'aime toujours à m'en user le cœur, sans détour même dans l'erreur. Fidèle à moi-même, sans changer ce que je suis. M'accrocher à tout ce que j'aime, porter l'amour et la vie comme un diadème. Fidèle à moi-même, accepter toutes mes faiblesses. Ne jamais fuir face au dilemme, porter mes joies et ma tristesse comme un emblème, fidèle à moi-même. Même si l'on me caresse le dos, je ne gommerai pas mes défauts pour plaire à quelques idiots. J'ai toujours été maladroite dans mes gestes et dans mes paroles. J'aimerais pouvoir les mettre en boîte avant qu'elles ne prennent leur envol. Faut-tu dire si vous saviez, je n'ai pas appris à pardonner. J'ai le sang chaud et rancunier, que mon âme en est parfois fermée. Fidèle à moi-même, sans changer ce que je suis. M'accrocher à tout ce que j'aime, porter l'amour et la vie comme un diadème. Fidèle à moi-même, accepter toutes mes faiblesses. Ne jamais fuir face au dilemme, porter mes joies et ma tristesse comme un emblème. We'll be right back. Et oui, il s'agissait donc de Mélanie 10. Mélanie 10, c'était un extrait donc fidèle à moi-même qu'on diffuse déjà depuis un petit peu sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Mélanie 10, plus variété, Piaf, tu reprends, tu fais Johnny, qu'est-ce que tu fais d'autre, Céline Dion? Céline Dion, en bonne partie, oui, oui. Lara Fabian, enfin, un petit peu partout. Mais j'ai deux personnalités, donc c'est un peu compliqué. J'ai la personnalité qui aime bien rigoler, qui aime bien sortir des petites chansons comiques, et il y a l'autre personnalité de la femme et puis de la mélancolie que je peux avoir en tant que chanteuse. Donc, je suis entre ces deux univers-là. Je vais être un peu schizophrène, des doublements de personnalité, j'arrive pas à. C'est tout l'un ou tout l'autre. Tu as un dédoublement sur scène. Parce que quand tu es sur scène, tu te dédoubles aussi avec ton spectacle. Sur scène aussi, c'est vrai. Donc ton spectacle alors. Alors là, on va bientôt reprendre la tournée de Ma Vie Tranquille, donc de mon One Woman Show, là au mois de mars. On va relancer ça. Donc on va aussi lancer l'actualité de l'album en même temps avec. Oui, j'ai créé un petit one woman show qui s'appelle Ma Vie Tranquille, mariée, trois enfants. Pas si tranquille que ça, quand on connaît la personnalité et puis le spectacle. Petit peu, oui. Voilà, j'explique ma condition de maman de trois enfants et de chanteuse en même temps, et comment ça se passe entre les deux, entre la maison et la scène, et tous les petits inconvénients qu'on peut avoir. Elle est prête à les égorger sur scène. C'est un spectacle dans lequel je me fais vraiment plaisir, hein, c'est-à-dire qu'on voit vraiment les deux personnalités de Mélanie 10, de la maman et de la chanteuse. Et les gens, ils voient pas. Alors, tout ça. Ils voient pas ça au quotidien. Justement, Mélanie, puisque le spectacle, tu voulais pas nous en dire un mot depuis, je l'ai vu maintenant, donc je peux en parler. Oui, maintenant tu sais. Voilà. Et alors, à la maison, puisque tu l'as répété aussi à la maison, ils l'ont déjà vu, la famille, le mari, les enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent? Tous. Ils rigolent de dire, je suis comme ça. Mon mari, il me dit, je veux plus venir avec toi, parce qu'il me dit, tu dis tellement de choses sur la maison, il dit, moi, je veux pas qu'on croit. mais ils se sont retrouvés au moins, ils se sont retrouvés en disant, c'est moi, c'était sûr, c'est vraiment ça. Oui. Et mes enfants, ils m'ont dit, mais t'as raison, maman, c'est tout à fait ça. Et finalement, t'es trop gentille, maman, dans ce que tu dis. Ouais. Non, franchement, c'est. Même mon père qui est venu voir, il n'était pas du tout pour que je fasse un one woman show. Mon père, il me dit, t'es chanteuse, t'es pas comique. Mon père me connaissait en tant que chanteuse. Et du coup, quand il est venu au spectacle, que j'ai parlé justement de mon enfance aussi avec mon père qui m'a fait devenir ce que je suis, il était mais plié de rire. Je le voyais, il était au premier rang, mais à se tordre le ventre. Il me dit, non, j'aurais pas cru que t'aurais été aussi drôle que ça. Il dit, je te connaissais bonne chanteuse, mais je te connaissais pas aussi drôle. Et tous les gens qui étaient dans la salle, ce qui est rigolo, c'est que même si eux, ils sont pas chanteurs, ils sont pas. Enfin, ils ont reconnu quand même des aspects de leur quotidien. Et ils ont dit, mais c'est vrai, on a vécu ça aussi à la maison, même sans être chanteur, on a eu que ça à la maison avec les gamins. Hein. Et ben j'imaginais quand vous êtes chanteuse, en plus, que quand t'as ton fils de 2 ans qui se pointe devant la scène et qui dit à tout le monde, vas-y, maman, chante-moi la souris verte. Mais que des choses comme ça. Que des choses comme ça. Donc je raconte tout ça avec toutes les interrogations, parce que forcément, on pense que chanteuse, ça se fait comme ça, claquant des doigts, qu'il n'y a pas de répétition. Donc j'explique aussi que mes répétitions, je les fais en faisant le ménage chez moi, donc j'explique un petit peu tout ça dans le spectacle, quoi. Donc je leur dis, voilà, à la maison avec 3 enfants dans les pattes, on peut pas faire comme on veut, hein. Donc non, c'est, on a passé un très bon moment, on l'a présenté à Orme en début d'année, oui, et c'est vrai qu'on a passé un très très bon moment. Donc là voilà, on reprend une tournée, donc pour ceux qui veulent programmer ce nouveau spectacle, n'hésitez pas à me contacter via Facebook ou via mon site internet. On mettra des petits extraits bientôt. D'accord. Pour justement que les gens se rendent compte de ce que c'est. Ça s'appelle Ma Vie Tranquille. Et c'est un Méli-Mélo One Woman Show humour. Et mais musique, aussi chanson. Voilà, chanson. Je mets aussi. Je fais découvrir quelques chansons de mon album. Je fais découvrir aussi des chansons auteurs, parce que je suis auteur de mes chansons. Et en même temps. Et des textes d'humour également. Et des textes d'humour. Voilà, c'est moi qui écris tout le spectacle. De A à Z. Donc ça aussi, ça a été très rigolo. Beaucoup d'infos, mais voilà, j'en suis très très fière. Et ce que j'aime dans ce métier-là, c'est que je ne m'arrête pas à juste ma condition de chanteuse. On peut toucher un petit peu à tout. Tu es chanteuse de toi-même, de tes albums, auteur-compositeur. Voilà, donc en autoproduction aussi. Voilà. Là, j'ai eu la très grande chance. J'ai la très grande chance actuellement d'avoir en attaché de presse. J'ai arrivé quand même. Donc, j'ai la très grande chance en ce moment d'avoir Thierry Galli comme attaché de presse sur Paris. Donc Thierry Galli, c'est celui qui est avec Maestro. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la vie. Oui. Maestro, oui, donc, oui, voilà, oui. Il a accepté de parler de l'album et puis de l'emmener dans les radios. Donc on croise les doigts justement pour que tout ça fasse son petit bout de chemin. Divide pas venir arc-en-ciel, on l'a fait, ça y est, c'est beau, t'as vu. Hein. Justement, en termes d'écriture des titres d'albums qui se profilent, qu'est-ce alors là, il vient juste de sortir. Donc là, je travaille pour le prochain album tranquillement. Oui, tranquille, parce que, bon, parce qu'il faut déjà. Voilà, voilà, c'est que moi, je mets du temps. J'aime bien faire les choses lentement. Donc il m'a fallu, pour sortir le dernier Fidèle à moi-même, il m'a fallu 18 mois. Mmh. Bah oui. Pour, voilà, parce qu'il y a des. Y a la des gestation choses. D'un éléphant. Alors, la gestation. De la comparaison. Tout le monde sait que chez moi, les enfants, ils viennent dans mon ventre, ils iraient jusqu'au bout. On peut plus les déloger. Après, non, c'est pas ça. Les enfants. On va chanter la souris verte. Alors, on chante la souris verte et on accouche d'un éléphant. Les enfants, c'est à chaque fois qu'elle s'assoue sur les genoux à papy. Tu peux demander à Sébastien, hein, parce que le dernier, là, on avait. C'était pour le gala des artistes. Je te jure, hein, il était annoncé pour le 31 décembre, le dernier. Hein. Oui. 31 décembre, rien du tout. Le 16, on avait le gala des artistes. Le 16 janvier, on avait le gala des artistes. Il est né le 12 janvier. J'ai dit à Sébastien, je m'en fous, je serai là le 16. C'était pas un préma, celui-là. Hein. Je te jure, je suis sortie le vendredi de la maternité. Le samedi, j'étais au gala des artistes avec les montées de lait et tout. J'avais rien prévu. C'était le bazar total. C'est dans le spectacle Ma vie tranquille. Ça, je l'ai rajouté dans le spectacle d'un an parce que c'est vrai que c'était quand même assez exceptionnel. Elle me dit, on s'est appelé plusieurs fois avant, on me dit, mais non, mais il est là, je l'ai encore, t'inquiète pas, il va sortir, je me démerde, faut qu'il sorte. Et je dis, t'es sûr? Oui, il faut qu'il sorte. Je lui ai dit, le 12 au matin, je me suis réveillée, je dis, je te jure, c'est aujourd'hui que tu sors. J'ai calculé, tu sors aujourd'hui, j'accouche aujourd'hui, je sors vendredi de la maternité, samedi, je suis à Orléans. Et c'est ce qui s'est passé. Et elle a dit au papa, tu te démerdes, voilà les couches, voilà le biberon, tu t'en as déjà eu deux, tu te démerdes et je m'en vais. Et elle nous a sorti sur scène des notes qu'elle a jamais sorties. Elle a assuré ce soir-là un beau spectacle. On a bien rigolé quand même. Voilà. Parce qu'en coulisses, il fallait me voir. Alors je mettais les gants de toilette. Alors après, c'est Joël qui m'avait donné une astuce pour les mamans qui font de la scène. Si vous n'avez pas de coussinet, que vous avez une montée de lait, bah vous prenez deux protège-slip, vous les cogez. Oh, et je peux vous dire que comme ça, ça ne déborde pas. Oui. Voilà, il est 14h sur Arc-en-Ciel en direct. C'était le truc et astuce de Mélanie aujourd'hui. Voilà, le truc et astuce, voilà. Bah, vous pouvez faire ça en urgence, c'est vraiment tip-top. Donc ça, on en parle aussi dans le spectacle. Mais bon, pour aujourd'hui, voilà, j'étais venue présenter mon nouvel album Fidèle à moi-même. Et j'étais venue vous présenter une petite exclusivité aussi. Donc je sais pas si on va avoir le temps de la passer. Je vais la mettre juste là derrière, vas-y, dis-nous. Voilà, alors. Donc la prochaine chanson que vous allez découvrir, elle a été faite avec un collectif de chanteurs qui est intégralement bénévole. Donc à savoir qu'on a réussi notre premier pari, on a fait un single pour la FM Téléthon qui s'appelait Le Soleil Brille, vendu à 1000 exemplaires, intégralement reversé à la FM Téléthon. Ouais. Et là, on a refait l'aventure, encore une fois, parce que le premier a fonctionné. Ouais. On a réussi à faire 3000 euros pour la FM Téléthon. Bravo. Oh, et donc là, aujourd'hui, je vous ai emmené la petite nouveauté qui s'appelle Avec des si. La chanson qu'on va écouter s'appelle N'abandonne jamais. C'est le nouveau single qu'on reversera aussi à la FM Téléthon. Bravo. Avec le même collectif de chanteurs, tous les ans, on s'est donné cette mission-là de pouvoir battre. C'est une femme à défi. Nous n'avons que des femmes à défi. Exactement. Pas donc la preuve est que quand on veut faire les choses et qu'on se donne les moyens, on peut y arriver. Tout à fait. Sébastien, tu sors. Alors, si je sors, il va y avoir un souci parce que. Si je sors, ça va faire marcher comment? Mais l'avantage, c'est que j'ai encore une fille qui est arrivée derrière moi, t'as vu, hein? Ouais, Sabrina, elle est là. Hein. Il est guetté de près par Sabrina. Oui. Et là, je peux te dire aujourd'hui, t'as une armée de femmes qui en a dans le pantalon. Hein. Ouais. Les femmes en ont dans le pantalon avec nous sur Arc-en-Ciel aujourd'hui, c'est vrai, je le dis. Eh bien, on écoute ça tout de suite. N'abandonne jamais, on se retrouve juste après. N'abandonne jamais, relève-toi toujours. On peut tout essayer, sans vaut le détour. N'abandonne jamais, relève-toi encore. On peut trouver la paix dans l'effort. N'abandonne jamais, relève-toi encore. Que s'envolent les souhaits de l'aube à quand on dit qu'elles sont dissipées hors antenne, heureusement que je suis tout seul au micro pour l'instant. Alors après avoir fait le tour de la gestation des animaux, donc avec Émilie en antenne, hein, on retrouve Mélanie. Donc Mélanie, on a parlé, donc en ce moment on le remettra la semaine prochaine, promis. On commencera même par ça la semaine prochaine, tu vois. Yes. On va le caler. Et puis on remettra des morceaux en exclusivité d'Eva et de Mélanie la semaine prochaine. C'est plus qu'à la semaine prochaine en studio. Mélanie, donc tu fais du One Woman Show, tu as sorti un album, tu fais des reprises. On peut t'appeler pour un comité des fêtes, pour faire deux heures de show live de chansons d'hier et d'aujourd'hui, même de l'anglais, parce qu'on s'est déjà pris au jeu ensemble à faire des chansons anglaises. Tu fais ce qu'on peut te demander. Faire une chanson anglaise, adores. À faire tout un programme de chansons en anglais, oui. Voilà, pour le jumelage. Oui, pour et Mélanie, c'est aussi un autre spectacle, les enfants aussi, parce oui, qu'il faut. Voilà, Julie. Le voyage de Luna qui est d'actualité, qui revient pour Noël. Oui, et il reste encore quelques dates disponibles, très peu. Il m'en faut une, donc on va voir ça ensemble. Il doit rester deux dates. Ben, pour le mois de décembre. D'accord. Et alors, toutes les dates, tous les lieux, si on veut aller voir. Alors, tout est sur mon site internet et tout est sur mon Facebook, Mélanie 10. Donc, sur Google, on tape Mélanie 10, c'est le premier site qui vient. 10, D'I2S. Pourrissoudun. Pourrissoudun, c'est tout à fait. Parce qu'elle se qualifie de petite chanteuse berrichonne. Berrichonne. Oui, je suis fière de mes origines. Ah, oui, hein, oui, il faut. Je suis fière de mon Berry, donc oui, je le revendique et partout où je vais, je dis je suis berrichonne. Tu as représenté aussi, à une période, tu as fait la chanteuse du Berry. Oui, j'ai été la représentante dans une comédie musicale de Georges Sand. Voilà, donc forcément. Donc c'est pour ça qu'il faut être fier du Berry de Georges Sand. J'en suis très fière. Ah bah je veux. Ouais. Georges Sand. J'étais très très contente. Donc eh bien, un grand merci Mélanie d'être venue nous présenter ton album. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil, plein les oreilles. Plein les oreilles.